défendre du bif. Il y en aura pour tout le monde. Les parents défendent du bif. Les parents défendent du bif. Les parents défendent du bif. Les parents défendent du bif. J'ai fait sur la côte de Miami Beach. Ma jolie, j'ai la côte. Applaudis les nouveaux riches. J'en ai calé dans le club. J'avais dans la piste. Tranquille, armé jusqu'aux dents. Reste tranquille. En France, c'est la crise. On investit dans les lingots. Bientôt, on se barre au bled. Hasta luego. Gringo. Bah, wow, wow. Left on sky. J'vais danser la France, même sur du rail. J'compte les billets méticuleusement comme un big gars. Danse de l'épaule à la Cyril Hanouna. Il va pleuvoir des billets. Tu vas te déshabiller. L'argent fait le bonheur. J'danse le milliard. Frey, Watts, Hogan, Pierre de près. Will, Kingston. Les bronzés font du bis. Zitan, Rital. Moi, j'ai la plaque. Et toi, la carte vitale. On a des affaires. Du culot, du savoir-faire. Dans le bise on a du flair, mais en l'air. Mais dans le on a le sens des affaires. Du culot, du savoir-faire. Dans le bise on a du flair, mais en l'air. Mais dans le fond du bise. Mais dans le fond du bise. Mais dans le fond du bise. Mais dans le fond du bise. On a les connexions. Mieux que chez Alice, bronze et connexion, nous on fait des rallies. On fait le casse du siècle comme Spadjarianis. Je veux la mairie de Marseille comme Samia Gali. La sable vient d'Italie, c'est hell à décaler. On est plein de manies, j'aime bien quand je suis calé. La tchatcha la manie pour bien t'emboucaner. Sapé Armani, rigate pene, ok. On pèse et on est là. On est plein de billets, pas de tombola. Des pièces en chocolat, tu pues le brocoli. Y'a tous mes potos là, j'attends un gros colis. Prêt pour le décollage, j'aborde un gros bolide. J'achète ta rue comme au Monopoly. Nous au Monopoly, le game c'est la folie. C'est le gang des bronzés, c'est pas Halopoli. On a du sens des affaires. Du culot, du savoir-faire. Dans le bif, on a du flair. Mais en l'air. On a du sens des affaires. Du culot, du savoir-faire. Dans le bif, on a du flair. Mais en l'air. Say yo, on a le sens des affaires du culot.